que ce soit. Des gestes sans envie, pourtant qu'il faut faire pour au moins rester en vie ou croire que c'est nécessaire et ronger ses remords encore. Et puis tout à des jours sans importance, des heures qui ne passent pas, à plus supporter le silence, ni les autres qu'on revoit. Des paroles inutiles, des conseils en l'air. Comment ça va, qu'en est-il? Tu sais, l'amour, c'est l'enfer, alors qu'on n'est pas mort. Parce que tout arrive quand on a tout pu. Parce que tout arrive.